Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana. Wewe ndio unanihitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu ujaze moyo wangu. Amen. Je regarde avec mon cœur la beauté de mon sauveur. En qui tout n'est que splendeur, je viens. Et j'y voyais sur une toile les couleurs de nos espoirs, qui brillaient comme des étoiles. Comme à l'aube d'un nouveau jour, je suis sûre. Devant ta cour et pour toujours, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta beauté. Je viens contempler auprès de toi les merveilles de ta croix qui font briller ma foi. Je je me retrouve, je viens. Y'a que toi qui peux changer tout le risque du danger. Que le seul qui a la force de nous venger, je viens. Parmi tous ceux qui sont nés, y'a que toi qui me connais, Seigneur. Tout ce que tu as, tu m'as donné. Tu es le sang d'Israël qui en est pour gérer. Toi qui tiens en toi le bonheur éternel, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi les merveilles de ta voix, il faut prier ma foi. Je ma voix qui annonce ta grandeur, Seigneur, je viens t'entendre dire des paroles qui me font.